tout trié. Si t'es rien, personne t'entend, t'as beau crier. Tu tues tout le qui veut me tête là. Je suis bouillant comme la braise est là. De la terre, la lune, je vise là. Ouais, mon père choc tient avec un rise lent. Y'a plus de CP, on voit la rise là. C'est matin, Y, je vois le ciel, je maîtrise là. Je suis dans le bise là. Manier les mots, pas le pistolet. Je sais que les jaloux me pissent là. Je suis toujours le même, pas de chien de la casse. Vite, tiens nos basses, l'instru, ça casse. Reste à ta place, surveille ta tasse. Elle aime les sous, les PG, la classe. Tiro, tu tournes ta veste, tu la jettes à l'eau. On trahit pas les Savastano. Bijoux, tric, offre fort. Y'en a même qui font des campus jusqu'à l'op. Au lendemain, on peut m'oublier. J'ai jamais profité quand j'ai vu Dieu briller. Ami, elle me oui, j'ai trop trié. Si t'es rien, personne t'entend, t'as beau crier. Comment faire, faut que je m'installe pour mettre mon don sur un piédestal. Voiture volée pour fiesta, mais le son aval du check à l'estac. Je rappe, t'aimes ça, même ta femme, elle aime ça. Elle aime ça, je te retour, vas-y, faites ça, je te retour, vas-y, faites ça. Faites ça avec ma team, je traînais dans les zoos. Charbon, soldat au garde à bout. Trop tu ça bête, mais moi je m'en fous. Redescendez, je parle pas de vous. J'ai assez de problèmes, tu t'indiques que je mène. Je me suis fait griffer le dos par X-Men. J'ai gambergé pendant des semaines. Même si je te vois pas, tu sous ma semelle. Du jour au lendemain, on peut t'oublier. J'ai jamais profité quand j'ai vu Dieu briller. Du jour au lendemain, on peut m'oublier. J'ai jamais profité quand j'ai vu Dieu briller. Ami, elle me oui, j'ai trop trié. Si t'es rien, personne t'entend, t'as beau crier. Jour au lendemain, on peut m'oublier. J'ai jamais profité quand j'ai vu Dieu briller. Ami, elle me oui, j'ai trop trié. Si t'es rien, personne t'entend, t'as beau crier.